إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc là suite à une question d'un frère sur le site par rapport au sujet qui touche à la niya, il y a un lié au rite de la salat, est-ce que celle-ci est valide ou nulle? J'aimerais donner un peu plus détaillé sur la question, prix de du kitab de notre cher Mohamed ibn Hizam, qui est Fath al-Allam, fi dirasat ahadith Bulugh al-Maram, qui est une étude du livre Bulugh al-Maram, dans lequel il évoque plusieurs masa'il, plusieurs sujets, en citant les divergences, en citant les preuves, et la parole la plus juste, la rajih. Donc lui, il évoqua dans Kitab al-Salah, fi shurut al-Salah, dans le livre de la salat, dans les shurut, les conditions de la salat, il dit Short al-Ta'asiya, al-Niyya. Donc la neuvième condition, la Niyya. Là, le but n'est pas de faire un dirs par rapport au Ahkam al-Salah, juste parler en ce qui touche à la Niyya sur certains points par rapport à la salat. Donc il dit Hafizallahu ta'ala. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الصلاة لا تجزى إلا بالنية منهم ابن المنذر والشيرازي وغيرهما والدليل على اشتراط النية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنية هي القصد والإرادة. Donc il dit que plus d'un parmi les gens de science ont rapporté l'unanimité, l'ijma, l'accord des savants que la salat n'est valide qu'avec une intention, une niya. Et parmi eux, Ibn Munzir, Shirazi, et autres qu'eux. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif et rapproché. Ils n'ont seulement été ordonnés que d'adorer Allah de façon exclusive, de vouer à Allah un culte exclusif. Et ainsi que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith dans lequel nous sommes dans l'explication, qui est innamal a'mal bin niyat, que les actes ne valent que par les intentions. Non. Donc là, il cita en premier, il évoque en premier une mas'ala, un point, une situation, où il dit hukm al-jahr bin niyat, le jugement quant au fait de prononcer la niyat. On en a déjà parlé dans le dias précédent, mais pas de mal, inch'Allah, ce qu'on revienne dessus. Afin d'appuyer la position des savants par rapport à cette action, qui est le fait de prononcer la niya avant une adoration. Donc là, il rapporte une parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans le Majmu' al-Fatawa. Dans le Majmu' al-Fatawa, où il dit Al-jahr bil-niyati la yajib, wa la yustahabu bi-ittifaq muslimin, bel jahir bil-niyati mubtadi'un, mukhalifun shari'a, idha fa'ala zalika mu'taqidan annahu min shari'a. فهو جاهل ضل يستحق التعذير والعقوبة على ذلك. وقال في موضوع آخر وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين لأنها لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. انتهى. Donc Cheikh l'Islam dit dans Majmou al-Fatawa que le fait de prononcer la niya, cela n'est ni obligatoire ni même recommandé par unanimité des musulmans. Il dit même que celui qui prononce cette niya est un innovateur, qui s'oppose ou qui contredit la législation en faisant cela, si jamais il a pour croyance que cela est légiféré. Alors là, il est ignorant, égaré, et il mérite des réprimandes et une sentence pour cet acte. Et il dit également plus loin dans le même livre, et quant au fait de prononcer la niya et de la répéter, cela est une innovation mauvaise, qui n'est ni recommandée par unanimité des musulmans. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ni les califs bien guidés d'après lui. Et également, d'autres fatwas d'autres ulama, comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Othaymin, beaucoup de savants voient également cette parole-là, que le fait de prononcer la niya avant l'adoration, cela est une bid'a. Il poursuit en disant, Mas'ala, autre situation, autre point. Hukm atalafuz bin niya dun jahr. Maintenant, c'est quoi? Le fait de prononcer la niya, mais avec une voix basse. Vous voyez? Avec une voix basse. Il dit, Cheikh al-Islam, toujours, rahimahullah ta'ala, fi majmou al-fatawa, ولكن تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا؟ هذا في قولان معروفان للفقهاء. Donc il dit que les savants ont divergé quant au fait est-ce qu'il est recommandé de prononcer l'intention à voix basse, secrètement. Il dit, dans le sujet, il y a deux paroles connues par les gens du fiqh, les gens de la jurisprudence. قالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها لكونه أوكد. Donc un groupe parmi les suiveurs d'Abu Hanifa, de Shafi'i et de l'imam Ahmed, que cela est recommandé. Car cela affirme encore plus cette intention. Cela l'appuie. Il poursuit en disant « وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَأَحْمَدُ وَغَيْرِهِمَا لَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُظُ بِهَا لِيَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من امته ان يتلفظ بالنيه ولا علم ذلك احدا من المسلمين ولو كان هذا مشهورا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مع ان الامه مبتلات به كل يوم وليله. Donc il dit un autre groupe parmi les gens de Malikiyya, c'est-à-dire ceux qui suivent l'imam Malik et l'imam Ahmed, c'est-à-dire ce qui apparaît, c'est que l'imam Ahmed aurait deux paroles sur le sujet, et autres que eux deux disent que cela n'est pas recommandé, car cela est une innovation et qui n'a pas été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons qu'ils agissent de la sorte, et ni que le prophète n'ait ordonné à personne dans sa communauté de prononcer l'intention, et ne l'a enseigné à personne parmi les musulmans. Et que si cela était connu et légiféré, le prophète Mohammed sallam n'aurait pas été négligent face à cela, ni ses compagnons, du fait que la communauté est éprouvée tous les jours et toutes les nuits. Ensuite, il dit, pour appuyer sa parole, وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَّحُ الْأَقْوَالِ بَلْ يَتَلَفُظُ بِالنِّيَّةِ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَمَّا فِي الدِّينِ فَلِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَأَمَّا فِي الْعَقْلِ فَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامًا فَيَقُولُ نَوَيْتُ بِوَضْعِ يَدِي فِي هَذَا الْإِنَاءِ إني أو أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي وأدمعها ثم أبلعها لأشبع. انتهى. Donc il dit, cela est la plus véridique des paroles, car le fait de prononcer la niya, cela est un manque dans la raison. Et cela est une réduction de la raison et de la religion. Pour ce qui est de la religion, du fait que cela est une bid'a, une innovation. Et quant au fait que ce soit une réduction dans la raison, car cela équivaut à quelqu'un qui voudrait manger, alors il dirait, j'ai l'intention de mettre ma main dans ce plat, pour ensuite prendre une bouchée, pour la poser dans ma bouche, pour la mâcher, et ensuite l'avaler. Donc il fait comprendre que cela est vraiment une chose ahurissante. Et également, il a été rapporté une parole de Cheikh Othaymin, rahimallahu ta'ala, prouvant également l'incohérence de cet acte. Ou lui-même il cite une parole que quelqu'un lui aurait rapportée, cela dans son explication de Arba'in Nawawi également. ذكرها لي بعض الناس علي رحمة الله قال لي إن رجلا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد أن يكبر قال له اصبر بقي عليك قال ما الباقي قال له قل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه الوثيقة فتعجب الرجل والحقيقة أنها محل التعجب. Donc il dit qu'une personne qui a apparemment déjà décédé, qui a dit rahimahullah, lui aurait raconté qu'une fois un homme dans le masjid al-haram, dans le masjid al-haram auparavant voulait accomplir la salat. Il entendit les kama. Alors il dit, oh Allah, j'ai l'intention d'accomplir la salat du dhor avec 4 rakat pour Allah Ta'ala derrière l'imam du Masjid al-Haram. Alors lorsqu'il voulut accomplir le takbir, il lui dit, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, patiente, il reste quelque chose. Donc l'autre lui dit, et qu'est-ce qui reste? Il lui dit, il te reste à dire le jour, et la date, et le mois, et l'année, afin que tout cela soit bien en place. Alors l'homme en fut surpris, subjugué, c'est-à-dire l'homme qui a prononcé l'intention. Et le shir dit, en réalité cela, et cela est une chose qui surprend énormément. Ensuite, shir ibn Hizam poursuit toujours dans son livre, en disant, Mas'ala Salisa, troisième situation, troisième point, Mahal Niyya, l'emplacement de la Niyya, son lieu. Il rapporte toujours de shir al-Islam, au Majmou et Fatawa, Niyatul Tahara min al-Wudu, wa Ghuslin, ou Tayammumin, والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات افتقروا إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام بل النية محل القلب دون اللسان باتفاقهم ولو لفظ بلسانه غرطا بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد في ذلك خلافا إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي رحمه الله خرج وجها في ذلك وغرطه فيه أئمة أصحابي وكان سبب غرطه أن الشافعي قال إن الصلاة لابد من النطق في أولها وأراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولها فظن هذا الغارط أن الشافعي أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم انتهى. Donc il dit que Cheikh l'Islam dit que l'intention de la purification comme l'eau ou le lavage, le roussel, ou tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches, ou la salat, ou le siyam, le jeûne, ou le hajj, ou la zakat, ou les compensations, ou autre que cela parmi les adorations, cela n'ont pas besoin que l'on prononce la niya avec la langue par unanimité des imams de l'islam. Car la niya, son emplacement, c'est le cœur, autre que la langue, selon leur consensus. Si quelqu'un a prononcé par sa langue, par exemple, par erreur, le contraire de ce qu'il a l'intention de faire dans son cœur. Alors nous, on prend en considération quoi? Ce qu'il a l'intention de faire. Et non la prononciation. Et non la parole prononcée. Et personne n'a cité en cela de divergence. Hormis que certains parmi les contemporains, parmi les suiveurs de Shafi'i, les partisans de l'imam Shafi'i, quand il dit Mutaakhiri, il dit les gens de son époque. Donc, Cheikh l'Islam, il dit que l'attention dans la purification comme l'eau d'eau, ou le roussel, ou le tayammum, qui sont les ablutions sèches, ou la salat, ou le siyam, ou le hajj, ou la zakat, ou les kafarat, qui sont les rattrapages ou les compensations, comme on pourrait dire, ou autre que cela parmi les adorations, celles-ci n'ont pas besoin d'être prononcées par la langue. Vous voyez, l'attention, la niya, n'a pas besoin. Du moins, ces adorations ne sont pas en besoin que l'intention soit prononcée par la langue, par unanimité des imams de l'islam. Car la niya, son emplacement, c'est le cœur, et non sur la langue. Par unanimité. Si par exemple, quelqu'un prononçait par erreur le contraire de ce qu'il avait l'intention de faire. Vous voyez, qui prononce par erreur autre que ce qu'il avait l'intention de faire. Par exemple, il se mettra à prononcer, tu veux faire la asar, et dans son cœur, son intention est la salat du Zohr, mefalan. Enfin, nous, on prend en considération son intention et non sa parole. Et personne n'a cité de divergence sur cela. À part que certains parmi les adeptes de l'imam Shafi'i, parmi les derniers, qui l'ont sorti une parole, et que celui qui a sorti cette parole-là, dernière qui aurait apparenté cette parole, l'imam Shafi'i, aurait été corrigé par les autres imams du même madhab, de l'imam madhab Shafi'i. Qui eux-mêmes ont considéré ce rapport de parole comme étant une erreur. Et la cause de son erreur, c'est que le imam Shafi'i avait dit que cette la salat est obligée d'avoir un inotk fi awaliha, qu'il faut prononcer en son début. Mais ce que le Shafi'i a voulu par là, il visait le takbir, takbiratul ihram, quand on dit Allahu Akbar, quand on commence la salat, le takbir wajib, qui est obligatoire. C'est ça qu'il visait par là. Alors, Cette personne qui a commis l'erreur pensa que Shafi'i voulait par cela le fait de prononcer la niya. Alors les autres partisans de Mazhab Shafi'i l'ont mis en erreur. Ont mis la parole de cet homme en erreur. Fin de la parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Donc là, Cheikh Ibn Hizam, il commence cette parole en disant « Wa hadha al-ghalitu alladhi ghalita fi kalam Shafi'i wa Abu Abdillah al-Zubayri. Zakara zalika sahib al-Hawi. » ونقل عنه النووي في شرح المهذب ونص كلام الشافعي بتمامه إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ وليس كالصلاتي لا تصح إلا بالنطق. Donc il dit que celui qui a commis cette erreur dans la parole de Shafi'i, qui a mal compris ce qu'il a voulu dire, c'est Abu Abdillah al-Zubayri. Comme cela a été rapporté dans le livre Al-Hawi, qui a été rapporté également par l'imam An-Nawawi dans son charh de Muhazzab, qui est le Majmou', comme nous l'avons dit dans l'introduction. Et la parole exacte de l'imam Shafi'i, il a dit exactement, si il a l'intention de faire un hajj ou une umra, cela lui est valide. Cela lui est rendu valide, même s'il ne prononce pas. Car cela n'est pas comme la salade qui, elle, n'est valide que par une prononciation, c'est-à-dire le takbir. C'est ça qu'il visait par là, le fait de dire Allahu Akbar. Donc toujours à ce sujet, par rapport à ce que j'avais rapporté de l'imam Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, sur le fait de prononcer la niya, dans le hajj al-umra, lors de la talbiya, de l'ihlal, lorsque quelqu'un dirait, par exemple, comme l'a fait le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, la baïka hajjatan umratan. Je te réponds par un hajj ou un umra. Donc là, j'aimerais citer deux fatwas de notre cher Yahya ibn Ali al-Hajjouri, Hafizahullah Ta'ala, où il parle de cela. Il dit, il fut questionné, هل الجهر بالنيات في الحج والعمرة من السنة؟ Donc la question, est-ce que le fait de prononcer l'intention lors du hajj ou de la umra, cela fait-il partie de la sunna? La réponse fut, من السنة الجهر بالإهلال لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو ابن أخ لي قال أي حججت عن نفسك قال لا حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والحديث يصلح للاحتجاج وأما النية فمسبقة بأنه يحج عن فلان وليس في ذلك الوقت أنشأ النية فالجهر يكون بالتلبية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة عند جماهير أهل العلم في سائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كان سوري أغبطي دون أكنز الثمين. Donc sa réponse fut que la sunna c'est le fait de prononcer al-ihlal talbiya comme le hadith d'Ibn Abbas où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire « Je te réponds pour Shubruma. » Alors il lui dit « Et qui est Shubruma ?» Il lui dit « Un frère à moi. » Ou « Le fils d'un frère. » Ou « Le fils d'un de mes frères. » Il lui dit « As-tu accompli le hajj pour toi-même ?» Il lui dit « Non. » Il lui dit « Alors accompli le hajj pour toi-même et ensuite fais-le pour Shubruma. » Et le hadith a été authentifié par Shamouk bin rahimallahu ta'ala dans son Sahih al-Musnad rapporté par Abu Daoud. Donc il dit, car la niya est une chose qui se produit auparavant. Le fait qu'il accomplisse un hajj pour quelqu'un. Et cela n'est pas le temps. Lors de la talbiya ou de l'ihlal, ce n'est plus le temps de la niya. Et le fait de prononcer haute voix, cela n'est dû que pour, ou cela n'est valable que pour la talbiya. Que pour l'ihlal. Le fait de dire la baik, Omaratan ou Hajjatan ou Relevalika. C'est là que l'on prononce, et non le fait de faire la niya. Et il dit la niya, son emplacement c'est le cœur. Et le fait de la prononcer est une innovation chez la plupart des gens de science. Et dans toutes les autres adorations. Cela prouvé par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les actes ne valent que par les attentions. Les actes ne valent que par les attentions. Et dans une autre fatwa, toujours dans le même livre, Kenz al-Thamin, il dit, il fut questionné. Est-ce qu'il est légiféré de prononcer yani la niya pour le hajj ou la umra? Il dit in kana talaffuz bil ihlal fa na'am yaqulu labayka umratan aw labayka hajjatan wa nahwa zalika min al alfaz al ihlal fa hadha mashru' mustahab al mashru' yashtariku fihi al mubah wal mandub wal wajib ila qawlihi فإن أغنى السائل هذا القدر فنعم وإن أعنى أنه يتلفظ بالنية فيقول نويت كذا وكذا فهذا عامة أهل العلم على أنه لا يتلفظ بالنية في العبادات لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج أو لا ولا في غير ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى أي نواه قلبه والتلفظ بالنية في العبادات بدعة من البدع المحدثة والذي يقول إنه يتلفظ بالنية في الحج والعمرة دون غيرهما فهذا غلط. ويستدلون بالذي فيه قول الرجل لبيك عن شبرمة، هذا الرجل نيته في صدره إنما أهل وإنما جهر بالإهلال. وفرق بين النية والإهلال، فعلم أنه لا دليل فيه لمن قال بالجهر بالنية غير بالنية عند الإحرام بالحج والعمرة. انتهى. Donc il dit, si le fait de prononcer pour le Hajj et l'Umra, le fait de prononcer l'Ihlal, alors ça, cela est légiféré. Comme le fait de dire, je te réponds par une Umra, je te réponds par un Hajj. Ou autre que cela, parmi les formules qui y ressemblent. Cela est légiféré et recommandé. Et ce qui est légiféré, tout ce qui est légiféré rentre dedans le permis, le recommandé et l'obligatoire. Ensuite, il poursuit en disant, car j'ai pas mis toute la fatwa en entier, qu'elle était assez longue, j'ai mis le shahid, la partie qui nous concerne, où il dit, et si jamais le questionneur vise par cela, yani ce qui a été dit précédemment, alors cela est bon, il peut le prononcer. Mais si jamais il veut par cela le fait de prononcer la niya, et qu'il dise par exemple, j'ai l'intention de faire ceci ou cela, cela chez l'ensemble, on va dire, quand on dit l'ensemble, la globalité des gens de science, et non pas l'ijma, lui voit pas l'ijma, shir, que cela, et qu'il ne faut pas prononcer l'intention lors des adorations, ni dans la salat, ni dans la purification, ni dans le siyam, et ni dans la zakah, et ni dans le hajj, ou autre que cela. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les actes ne valent que par les intentions, et que pour chacun, chaque personne y sera rétribuée selon son intention, que l'intention vient de son cœur, mais le fait de la prononcer dans les adorations, cela est une innovation parmi les choses nouvelles. Et celui qui dit qu'il prononce l'intention juste dans le hadith et la umra, cela est une erreur. Et ils prennent comme preuve le hadith où cet homme a dit « Je te réponds pour Shubroma. » Cet homme, son intention est dans son cœur. Il a juste fait prononcer l'ihlal. Et il n'a pas prononcé son niya, son intention. Ou le fait de prononcer l'ihlal se différencie du fait de prononcer la niya. Donc il a été su de cela qu'il n'y a pas de preuve sur ceux qui voient qu'il faut prononcer l'intention lors du hajj ou la umra. Fin de citation. Donc là, à comprendre que le fait de prononcer l'ihlal ou la talbiya, c'est une chose qui est propre, une adoration légiférée, faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ou faite par certains de ses compagnons. Et cela n'est pas considéré comme étant le fait de prononcer une niya, mais le fait de prononcer une formule d'adoration, pour que l'acte d'adoration soit en lui-même, et en tirer plus de récompense, car cela est mustahab. Ce n'est pas obligatoire, mais juste mustahab, comme l'ont cité les savants auparavant. Donc là, d'autres masail qu'on aimerait évoquer. Autre mas'ala qui est importante, qui est la 9e. Il dit, le fait de changer de niya d'une salat obligatoire pour une autre salat obligatoire durant la salat elle-même. Donc il dit beaucoup d'ama que celui qui est rentré dans la salat, une salat obligatoire avec une intention, par exemple comme s'il faisait par exemple le dhor, et d'un seul coup, ou plutôt il fait la asar, et d'un seul coup il met l'intention de faire le dhor, que cela annule la première, car il a coupé son intention, et également sa deuxième salat, c'est-à-dire sa deuxième intention, n'est pas valide du fait qu'il ne l'a pas mis depuis son début. Donc ni l'une ni l'autre ne sont valides. Donc ça veut dire quoi? Que cela n'est pas permis. Quand tu as une niya, tu l'as depuis le début, et tu ne peux la changer d'une salat obligatoire pour une autre obligatoire. Cela annule ta salat. Il faut la recommencer. Donc de là, c'était juste pour compléter, donner quelques favorites par rapport au sujet de la niya, car c'est un sujet qui est bien, vraiment, vraiment large. On pourrait s'étaler longtemps dessus, mais le but de cette audio annexe au premier hadith était juste pour répondre à certaines questions de certains frères. On a qu'au alhamdoulillah, rabbil alamin.